Je vous demande un instant. Oui, vous, prenez-en le temps. Écoutez cette tranche de vie. Elle enlève un peu de mépris. Il y a bien longtemps, il est venu d'un horizon pour vous si inconnu. Car sachez bien qu'il est né dans la boue de ces quartiers. C'est un enfant de la pauvreté. Vous savez, celle de vos télés, ces images de trop de souffrance, le quotidien de son existence. Vous qui venez chercher un peu de rêve préfabriqué avec votre surplus d'aisance sur les lieux de son enfance. Sachez qu'il ne vous en veut pas. Il sait que vous ne comprenez pas que pour vous, la misère n'a pas de sens. Même si vous dites, j'y pense. Son rêve à lui, il n'est pas grand. Il aurait aimé tout simplement prendre dans ses bras d'enfant le corps rassurant d'une maman. Aujourd'hui, il est chez nous. Il a joué le tout pour le tout. Sa vie est un peu plus belle. C'est lui qui vide nos poubelles. Mais quels que soient les événements, même s'il est plein d'emmerdements, n'oubliez surtout pas ceci, c'est qu'à jamais, il sourit, il nous sourit.